précisément mon quartier Biwewe. Dans le quartier Biwewe. Munyekosa, pasteur Palen et frère Diankeba. Le pasteur local, c'est le pasteur Diankeba. Frère Diankeba, Peter Chakubiraka deux fois. Ah, le pasteur Diankeba était passé une fois ici prêcher lorsqu'on était dans les petits temps. C'est ce frère qui va commencer la prédication aujourd'hui. Jusqu'à dimanche. Kufika na siku ya yenga. Êtes-vous dans la joie de l'accueillir, les saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ? Ça va, nous vous invitons. Ah, ton akwalika. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. Bwana Mungu amibariki sana. Comme le frère vient de le dire, paka vile nduko anatoka mkuisema, je suis votre frère, le frère Didier Sambo. Niku nduku yenu Didier Sambo. L'assemblée chrétienne de Biwewe dans la ville de Matadi. Wakanisa ya Biwewe Matadi. Depuis la province du Congo central. Mule province ya Congo central. Nous sommes dans le voyage missionnaire il y a quelques mois déjà. Tukumu safari ya kupasha habari njema kuna kwa mwezi mzima. Et je pense que ce mois sera le dernier mois. Na wazia hii mwezi itakuwa ndio ya mwisho. Et nous allons rentrer. Tutarudia. De partout j'ai passé. Fashio tukule nalipita. Même dernièrement ici à Kalukuluku, à Lubumbashi. Ata masiko wa kumukongo Kalukuluku kule Lubumbashi. Et partout où nous avons apporté la parole. Na fazi yote le turubiri neno. Tous ces bien-aimés frères et sœurs, depuis Matadi, Kinshasa. Bapendo bote banduku na wada tangia Matadi, Kinshasa. Vous ont salué dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bari misalimia mchina adamani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana Mungu amibariki sana. Même si nous venons de très très loin, vile mbari sana, nous n'avons pas de nouvelles choses à vous apporter. Bipia bile tutamubiri. Seulement ce que vous avez toujours entendu ici. Ni paka bile munasikiaka kila siku hapa. Nous venons seulement faire la répétition de tout ce que les anciens vous ont toujours enseigné ici. Mubile baze bana mifundisha kila mara hapa. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Dio banduku na badada. On n'a pas besoin d'une bonne nouvelle. Ah, tuitaji habari njema mupya pana. Non. Hapana. Nous avons besoin seulement de l'ancien évangile. Tunahitaji paka ile injili ya zamani. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Dio banduku na dada mpendwa. Soyez disposés. Muwe tayari. Et croyez que le Seigneur va vous parler. Muamini ya kwamba Bwana Mungu atasema na mweye. Cela veut dire, bien-aimés frères et sœurs. Ni kweli banduku na dada mpendwa. Le sujet que je vais aborder, Shina ya maubiri, le taubiri, le temps de la préparation. Wakati ya kujitayarisha. Je vous invite de vous lever. Na mialika mupate kusimama buima. Et nous allons lire la parole du Seigneur. Na tutasoma neno la Bwana. Nous sommes dans Esaïe 37e chapitre. Mouisaya sura makumi tatu na saba. Le verset 26e. Mustari ya makumi mbili na sita. Nous allons aussi lire Jean 14, premier verset au 3e. Tutasoma na Yohana kumi na ine mustari ya kwanza na ya tatu. Écoutez ce que la Bible dit. Musike kile Biblia inasema. N'as-tu pas appris? Eti au kujue. Que j'ai préparé de ces choses de loin. Ya kwamba nalitayarisha bibi tutokee mbali. Et que je les ai résolus dès les temps anciens. Na nalitayarisha tangia wakati ya zamani. Maintenant que j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Hapa sasa njo mimi naruhusu bipate kutimilika. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Dio banduku na badada. Notre Dieu n'est pas surpris. Mungu wetu ashitushwe. Il fait toujours des préparatifs bien avant. Et qu'on a tanguria kutayarisha mbele ya wakati. Nous sommes en train de parler de la préparation, le temps de la préparation. Tukunasema kuhusu wakati ya kutayarisha. Mais je vais vous parler dans le contexte des préparatifs. Ntamiambia munamna ya kusema matayarisho, matengenezo. Des préparatifs. Matayarisho, matengenezo. Nous allons dans Jean chapitre 14. Muyohane sura 14. Premier verset, mstari ya kwanza, au troisième, kufika na kutatu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mwamini Mungu na muniamini mimi. Ça, ce sont des paroles du Seigneur lui-même. Hii ni misemo ya Bwana yeye mwenyewe. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Huku makao ya mingi munyumba ya baba yangu. Si cela ne l'était pas, kama ingekuwa vile, je vous l'aurais dit. Ningemiambia hiyo. Je m'en vais vous préparer une place. Naenda kumitarisha fazi. Et lorsque je m'en serai allé, wakati takuwa naisha enda, et que je vous aurai préparé une place, na kisha mitarisha fazi, je reviendrai. Mitarudia. Il dit, anasema, je m'en vais vous préparer une place. Naenda kumitarisha fazi. Il est parti faire des préparatifs là-bas. Arienda kutengeneza kule, kutarisha. Et après, nakisha, il dit, je reviendrai tarudiaka, et je vous prendrai avec moi. Na mtamichugua pamoja nani. Afin que là où je suis, ili kule niko, vous y soyez aussi. Na mwe muwe kule. Tant de peur, le Dieu de, sa paro- de ta parole. Baba wa mapendo, Mungu wa neno lako. Le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, Mungu le Dieu de miséricorde. Na neema, na reema. Voici ton peuple, Seigneur. Tazama taifa yako Bwana. Pour qui tu as versé le sang à Golgotha. Inye ulimwangia damu ku Golgotha. Ils sont venus devant toi, Seigneur. Wanakuja mbele yako Bwana. Ils sont pas venus écouter un homme. Hawakuwa kumsikiliza mtu. Il n'y a rien dans l'homme. Hamuna kitu ndani ya mtu. Oh Seigneur. Oh Bwana. Que nous puissions trouver grâce à tes yeux. Tupate kuneema mbele ya macho yako. Ta miséricorde, oh Seigneur. Rema yako Bwana. Viens nous bénir. Ukuje utubariki. Viens nous guérir. Ukuje utuponye. Viens nous donner solution à nos problèmes. Ukuje ulete jibu kwa mahitaji yetu. Toi, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Wewe Mungu sawa sawa jana leo na milele. Toi, tu n'as pas changé, oh Père. Wewe hauyabadilike baba. Ton peuple a besoin de toi. Taifa yako inakuhitaji. Ils n'ont pas besoin de nous. Hawahitaji mtu. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Wanakuhitaji wewe Bwana. Partout dans le monde entier, oh Seigneur. Fazi yote mulimwengu mzima Bwana. Si ce soir tu béniras une place. Kama hii mangaribu tabariki fazi. Ne nous oublie pas, oh Seigneur. Usitusabu na sisi Bwana. Incline tes yeux sur nous. Uinamishe macho yako yulu yetu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tunakuhitaji Bwana. Sans toi nous ne pouvons rien faire. Bila wewe hatutaweza kitu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Commence avec nous. Wanze nasi. Comme Alpha, sawa Alpha, et fini avec nous. Na umalize nasi. Comme Omega, sawa Omega. Si le diable prit rendez-vous, kama shetani anachukua mpango. Oh Seigneur, oh Bwana, au nom puissant de Jésus-Christ, mujina uwezo wa Yesu Kristo, nous le mettons en déroute. Tunamfukuza. Que ton nom soit célébré. Jina lako ishangiliwe. Que ta parole soit proclamée. Neno lako itangaziwe. Pour ta gloire. Juu ya utukufu wako. Au nom de Jésus-Christ, Père. Mujina Yesu Kristo Baba. Nous t'avons demandé par la foi. Tunakuomba na imani. Amen. Amina. Bien-aimés frères et sœurs. Mapendo abantu kuna badada. Le temps de la préparation. Wakati ya kujitayarisha. Dieu, Mungu, ne fait pas des choses à l'improviste. Ashifanyake bitu mukushitusha hapana. Dieu, Mungu, notre Dieu, Mungu wetu, a un plan. Eko na mapu, mapla. Pour tout un plan. Mapu. Pour toutes choses. Dieu habite bioté. Oui, bien, mes frères et sœurs. Il arrête cela d'avance. Nous ne pouvons être surpris. Nous nous sommes surpris. Nous par notre Dieu. Nous il ne peut jamais être surpris, frère. Mungu wetu hawezi kushitukata. Et il fait qu'exécuter. Et on a fanya kwamba ma mipango yake. Ce qu'il avait bien arrêté bien avant. Il a richugwa ka mipango tangia zamani. Les instrumentistes, les techniciens peuvent m'aider à poster des écritures. Ba vyomba ba fundi banisaidie kujua kuandika ma. Alors dans Job 23. Ah, Yohano 12:3. Verset 13e. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Biblia natuambia konini? Il dit ceci. Asema hivi. Mais sa résolution est arrêtée. Mipango yake nachuguliwa. La résolution de Dieu. Mipango ya Mungu. Est arrêtée. Inachuguliwa. Si Dieu a arrêté une chose. Kama Mungu akichugua mpango. Qui s'y opposera? Nani ula tapinganisha nayo? Si Dieu veut te bénir, kama Mungu anapenda kubariki. Si Dieu veut te lever, kama Mungu anapenda kunyanyua. Frère, nduku. Si Dieu veut même te détruire, kama Mungu anapenda hata kukuharibu. Qui s'y opposera? Nani ula tapinganishana naye? Personne, frère. Hakuna mtu nduku yangu. Ce que son âme désire, il l'exécute. Il exécute. Oui, bien, mes frères et sœurs. Écoutez. Musikilize. Esaïe. Isaïa. Esaïe 46. Isaïa, sura makumi ine na sita. 10e verset. Mustari ya kumi. Écoutez ce que la Bible nous dit là-bas. Nous sommes qui la Bible nous a dit là-bas. Ici c'est Dieu lui-même qui parle. Hapa ni Mungu yeye mwenyewe. Frère, suivez-moi comme il faut. Nduku munifate mzuri. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Niku natangaza tangia mwanjo kile kinapashi kufika. La chose n'est pas encore arrivée. Kitu kiobalo kufika. Mais Dieu l'a déjà annoncé. Mungu anatangulia kukitangaza. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Niku natangaza tangia mwanjo kile kinapashi kufika. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Natangia zamani kile akiatimilika. Bien avant. Tangia zamani. La chose n'est pas encore accomplie. Kitu akiatimilika. Mais Dieu l'a déjà annoncé. Mungu anesha tangulia ukitangaza. Ici. Hapa. Parce qu'il est l'infini. Juye ana na mipaka. Aucune personne n'est comme lui. Hakuna mutu ule kosa Mungu. Nous comme les hommes. Shisa bantu. Même ce qui va arriver à la fin de cette prédication. Atabile bitafika mwisho ya mahubiri. On ne connaît pas. Atukiyue. Seulement 18h ici. Papa 18h tu hapa. Ce qui va arriver à 18h, si on ne connaît pas. Il est afika 18h à tuyue. Ce qui va arriver demain, nous ne connaissons pas cela. Il est afika kesho à tuyue. Mais pas notre Dieu. Hapana Mungu wetu ye. Ce qui arrive maintenant sur le monde entier. Dieu l'avait déjà vu. Mungu alitanguliaka kuiona. Dieu l'avait déjà annoncé. Mungu alitanguliaka kuitangaza. Oui, bien, mes frères et sœurs. Dieu va nous battre à peine. Et le frère Frank. Nanduku Frank. Est parti trop loin. Arienda Mbari. Il dit aujourd'hui. Anasema leo i. Maintenant. Apa sasa apa. Il n'y a plus de prophéties qui sont données. Hakuna tena matabiri ile inaletwa. Mais il y a que des prophéties qui s'accomplissent. Ni paka matabiri kuna timilikwa. L'un après l'autre. Moja kwa ingine. L'un après l'autre. Moja kwa ingine. Oui, bien, mes frères et sœurs. Dieu va nous battre à peine. Il dit, anasema, j'ai dit, niku nasema, mes arrêts subsisteront, mipango yangu itadumu, et j'exécuterai toute ma volonté. Na mitatimiza mapenzi yangu yote. Frère, Dieu va exécuter toute sa volonté. Nduku, Mungu atatimiza mapenzi yake yote. En bien ou en mal. Vizuri wala mbibaya. Mais Dieu va l'exécuter. Alakini Mungu ye, atevitimiza. C'est comme ça le frère Branham. Job kwa mana nduku Branham. Il disait toujours. Arwa nasema kila mara. Il dit, je n'ai pas besoin. Anasema mishi itaji. De connaître. Kujua. Qu'est-ce que sera mon avenir? Mashiku yangu ya kumbele takuwa je. Mais je connais une chose. Alakini mina jua kitu kimoya. Je connais celui qui détient mon avenir. Mina yu ule kuna mashiku yangu ya kumbele umikono yake. Ton avenir. Mashiku yako ya kumbele. Et entre les mains du Seigneur. Iko mumikono ya Bwana Mungu. Et pourquoi tu as peur? Kasa juu ya nini ukunongopa? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu vis dans la crainte? Même ta vie, même ta mort, même ton bonheur, tout ce qui, même les malheurs qui nous arrivent, bien mes frères et sœurs, cela n'échappe pas à notre Dieu. Nous n'avons pas besoin de connaître ce que l'avenir nous réserve. Mais nous connaissons une chose. C'est que notre avenir est entre les mains du Seigneur. Écoute. Musikilize. C'est moi qui appelle. Nimi Mungu njo nikunaita. De l'Orient. Toka asubuhi. Un oiseau de proie. Un oiseau qui déchire. Un oiseau de proie. Wakulana, d'une terre lointaine. Un homme pour accomplir mes destins. Je l'ai dit. Mina il sema. Et je les réaliserai. Nili sema na mita itimiza. Écoutez-moi. Munisikilize. J'ai endurci de cœur. Batu ba moyo mugumu. Ennemi de la droiture. Badui ya unyofu. Écoutez-moi. Munisikilize. Écoute Dieu. Umusikie Mungu. Oui, bien le frère Sassin. Dio nduku na dada mpendwa. Bien mes frères et sœurs, notre Dieu, Mungu wetu, n'est pas comparable à un homme. Awezi kumulinganisha na mutu. Ne le compare pas à un homme. Usimulinganishe na mutu. Ne le compare pas à un serviteur. Usimulinganishe na mtumishi. Non, bien mes frères et sœurs. Hapana ndugu na dada mpendwa. Il n'est pas un homme. Ana mutu. Il n'est pas surpris comme un homme. Yeye Mungu ashitushwe sawa mutu. Nous comme des hommes, nous sommes surpris. Si si ça wa watu tukuna shitushwa. Mais pas notre Dieu. Lakini Mungu wetu hapana. Pour chaque chose. Pour kila kitu. Il a un plan. Eko na mapu. Bien tracé. Il a anesha kutunga. Et il ne fait qu'exécuter. Eko na timiza tu. Exécuter. Eko na timiza tu. C'est comme ça quand nous prions. Tuko maana wakati tukunaomba. Quand nous prions. Wakati tukunaomba. Disons toujours. Tuseme kila mara. Que ta volonté soit accomplie. Mapenzi yako itimizwe. Que ta volonté soit faite. Ma pensée à Kofanike. Abandonne-toi à sa volonté. Il y a tiré comme il connaît à ma pensée à que. La vie est auprès de lui. Ma bougie m'a beaucoup quoi que. Proverbe. Mezali. Proverbe 8. Mezali sura kemunane. Verset 35. Makumita tunatano. Oui, bien mes frères et sœurs. Les machinistes, vous devez être rapide, oui. Ah, bah fundi mu araka. Proverbe. Mezali. 8. Surake ya munani. Le verset 38. Mustari. 35e. J'allais dire. Ah, mustari makumi tatu na tano. Écoutez ce que la Bible nous dit. Musikie kile Biblia inasema. Écoutez ce qu'il nous dit. Musikie kile wanatuambia. Car celui qui me trouve, kwani ule ananipata, a trouvé la vie. Anapata bujima. Si tu trouves Dieu, kama ukimpata Mungu, tu as trouvé la vie. Manake unapata bujima. Dieu est la parole. Mungu ni neno. C'est-à-dire que manake ya kwamba, comme nous avons trouvé la parole, ile tunapata neno, nous avons trouvé Dieu. Tunamupata Mungu. Il nous demande de l'écouter. Anatuomba tumusikie. Nous l'écoutons par sa parole. Tukunamusikia kupitia neno lake. Oui, bien mes frères et sœurs. Dio bapendo banduku na badada. Croyons Dieu. Tumuamini Mungu. Il dit. Anasema. Il obtient la faveur de l'Éternel. Anapata faida kwa upande wa Bwana Mungu. Mais celui qui pêche contre moi, alakini ula nanitendea mi Mungu zambi, nuit à son âme. Manake anakosea nafsi yake. Tout ce qui me haïsse, wote wale wananichukia, aime la mort. Banapenda lufu. La vie est auprès de notre Dieu. Bujima buku kwa Mungu wetu. La vie n'est pas dans ce monde ici. Bujima abuna mui dunia apana. Dans le plaisir du monde. Mwanasa ya dunia. Là c'est la mort. Mule muku ni lufu. La mort est dans la vie est dans la parole. Bujima buku ndani ya neno. La vie est auprès de Dieu. Bujima buku kwa Mungu. Oui, bien mes frères et sœurs. Dio nduku na dada mpendwa. Un frère, une sœur, s'il lit de la parole, tuku moyo wala dada moyo kuna bidii muneno. Peut rétrograder. Anaweza kurudi nyuma. Et puis abandonner la parole. Anaweza kuacha neno la Mungu. Et nous sommes surpris. Ashi tunashituka. Mais Dieu n'est pas surpris. Alakini Mungu yeye ashitushwe. Dieu n'est pas surpris. Mungu hawezi kushituka. Mais celui qui pêche contre lui, ula anamtendea Mungu zambi, nuit à son âme. Anatendea mbaya nafsi yake. Cela fait bien mes frères et sœurs. Ni kweli nduku na dada mpendwa. Romains chapitre 9. Warumi sura yake ya 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Biblia inatuambia nini pale? Dans le même contexte. Paka mu wazo moya moya. Où il nous parle de Césarée. Mula anatuambia kuhusu mipango yake. De son yake, plan. Kuhusu mapu yake. Chapitre 9, sura ya 9 Warumi, verset 28. Mustari ya 28. Écoutez. Musikilize. Quand le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Kwani Bwana atatimiza kwa ghafla patunia ile yote alichukua sawa mpango. Ce qu'il a résolu. Il a alichukua sawa mpango. Le Seigneur. Bwana. Va toujours les exécuter sur la terre. Ataitimiza patunia. Il a un plan pour toutes choses, frère. Eko na mapu kuhusu kitu kyote. Notre devoir. Mapasha yetu. C'est s'inscrire. Ni kujipanga. Que chacun s'inscrive. Kila mmoja wetu ajipange. Dans le plan de Dieu tracé bien avant la fondation du monde. Mapu ya Mungu ila tangulia kupanga tangia misingi ya dunia kuweko. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. Kweli nduku na dada mpendwa. Quand Dieu exécutera toujours ses plans. Kwani Mungu yatendelea kutimiza mapu yake. C'est la vérité. Nikweli. Église de Dieu vivant. Kanisa ya Mungu aliye hai. Dieu fait toujours des préparatifs. Mungu anafanya matayarisho. Avant de faire quelque chose que ce soit. Mbele ya kufanya zuri kitu gani? Oui, bien mes frères et sœurs. Dieu nduku na dada mpendwa. Il est prépare d'avance. Eko na tangulia kuitayarisha. Oui. Ndio. Avant qu'il place l'homme ici. Mbele ya kuweka mtu hapa. Sur la terre. Pa dunia. Dieu. Mungu. Genèse chapitre 1. Mwanzo sura ya kwanza. Au commencement Dieu créa les ciels et la terre. Katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. La terre était informe et vide. Dunia ilikuwa wazi na ilikuwa na umbo. Il y avait des ténèbres dans l'abîme. Alikuwa magiza yule ya maji. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Na roho ya Mungu ilikuwa yule ya maji. Dieu a créé les cieux et la terre. Mungu akaumba mbingu na dunia. Avant de créer l'homme. Mbele ya kumuumba mtu. Frère. Nduku. Tout ce que l'homme avait besoin sur la terre. Ile biote mtu alihitaji pa dunia. Dieu l'avait placé dans la terre. Mungu alivitayarisha pa dunia. Dieu l'avait placé ici. Mungu aliweka pa dunia hapa. Quand il a créé les cieux. Wakati alumba mambingu. Quand il a créé la terre. Wakati alumba dunia. C'était quoi église? Ilikuwa nini kanisa? C'était des préparatifs. Ilikuwa ni matayarisho matengenezo. Pour recueillir l'homme. Tuapate kumpokelea mtu. C'est la vérité bien mes frères et sœurs. Ni kweli nduku na dada mpendwa. C'était des préparatifs. Ilikuwa ni matengenezo. Pour recueillir l'homme. Tuapate kupokelea po mtu. Et comme un père d'amour. Sawa baba wa mapendo. Il a aménagé un jardin. Alitengeneza bustani. En Eden. Mule ku Edeni. Où il a placé l'homme qu'il avait créé. Mule aliweka mutu ule aliumba. Il avait déjà aménagé un jardin. L'homme était en paix. Il avait la vie éternelle. Il était en communion avec Dieu. Il écoutait Dieu. Qui descendait chaque soir. Et communion avec son fils. Quelle communion! Quelle harmonie! Entre l'homme et son créateur. Et son père. Frère, Nduku. Et Dieu na Mungu. A fait de l'homme alimfanya mutu. Un petit Dieu sur la terre. Ka Mungu kadoko pa dunia. C'est la vérité. Ni kweli. Dieu Mungu. A fait de l'homme alimfanya mutu. Un petit Dieu sur la terre. Uwa ka Mungu kadoko pa dunia. Il lui dit. Akamwambia. Domine. Utawale. Écoutez, nous lisons. Musikilize tutasoma. Genèse chapitre 1. Mwanzo sura yake ya kwanza. Verset 28e. Mustari ya makumbi. Verset 26e au 28e. Mustari makumbi na sita kufika makumbi na mnani. Genèse chapitre 1. Mwanzo sura ya kwanza. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Musikie kile Biblia inatuambia pale. Vous allez voir que Dieu. Mutaona ya kwamba Mungu. Avait fait des préparatifs. Alitengeneza. Et il a fait de l'homme, il a fait de nous. Alitufanya sisi mtu. De Dieu de cette terre. Mungu hapa pa dunia. Écoutez, je commence par 26e. Nanzia mstari wa 26. Puis Dieu dit, kisha Mungu akasema, faisons l'homme à notre image. Tufanye mtu kwa mfano wetu. Selon notre ressemblance. Afanane nasi. Dieu le crée. Mungu akamuumba. Il t'a créé. Alikuumba. À son image. Picha yake. À sa ressemblance. Na mukufanana naye. Qu'il domine sur. Apate kutawala, le poisson de la mer. Apate kutawala yule ya samaki ya bahari. L'homme devait dominer. Mutu alipashi kutawala. Sur les oiseaux du ciel. Yule ya bandeke za anga. Et sur les bêtes. Na yule sur toute la terre. Na yule ya banyama bakufuka bote pa dunia. Et sur tous les reptiles. Na yule ya banyama bakutambala. Qui rampe sur la terre. Benye kutambala pa dunia. Dieu créa l'homme. Mungu akaumba mutu. À son image. Mpicha yake. Il est créé à l'image de Dieu. Akamuumba mpicha ya Mungu. Il créa l'homme et la femme. Akamuumba mwanaume mwanamke. Dieu le bénit. Mungu akawabariki. Et Dieu leur dit. Na Mungu akawaambia. Soyez fécond. Muzalane. Multipliez la terre. Na muyale pa dunia. Multipliez. Muzalane. Remplissez la terre. Muyaje dunia. Et assujissez là. Na muitawale dunia. Que l'homme domine. Mutu atawale. Qu'il assujettisse. Atawale dunia. Domine sur les poissons. Utawale yule ya masamaki. De la mer. Ya mubahari. Sur les oiseaux du ciel. Yule ya ndeke za anga. Et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. Na utawale yule ya banyama bote wenye kutambaa. Toi l'homme. We mutu. Domine. Utawale. Sois un Dieu ici. Upate kwa Mungu hapa pa dunia. Quel pouvoir. Ni uwezo kani. Avec Adam. Ile ilikuwa na Adamu. Bien mes frères et sœurs. Tuko na dada mpendwa. Quelle autorité. Mamlaka kani ile. Avec Adam. Ile Adamu alikuwa nayo. Quand Dieu l'a créé. Wakati Mungu alimuumba. Il était en paix. Alikuwa msalama. Il ne tombait pas malade. Asikuwa na gonjwa pana. Il ne pouvait pas mourir. Hakuwezi kufa. Bien mes frères et sœurs. Banduku na batata wapendwa. Mais le problème, mambo. C'était quand le péché était entré. Ilikuwa wakati zambi iliingia. Quand le péché est entré. Wakati zambi iliingia. Même les animaux. Hata banyama. Ont fui l'homme. Bana mukimbia mutu. Et l'homme devient dangereux. Na mutu anakuwa hatari. Il a péché contre son créateur. Bana mutendea zambi mumbaji wake. Le poisson ont fui. Samaki nazo kimbia. Les animaux ont fui. Banyama wanza kukimbia. Les oiseaux se sont envolés. Faites attention à l'homme. Il devient dangereux. Vous voyez, frère. C'est le péché qui nous a mis dans cette condition. Où nous tombons malades. Où nous nous haïssons. Où nous nous entretuons. Où nous nous entrecritiquons. Nous vieillissons. L'estomac nous dérange. La malaria nous dérange. Malaria naza kutuji. Le péché. Nizambi nduku. C'est le péché qui nous a mis dans cette condition. Une condition d'essie. Le péché, c'est notre ennemi, frère. Notre ennemi, c'est le péché. Et la vie du péché, c'est la vérité, frère. Oui, bien, mes frères et sœurs. C'est lui qui veut te tuer. Il n'est pas ton ennemi. C'est lui qui te critique là. Il n'est pas ton ennemi. Nous n'avons qu'un ennemi commun. Le péché. Nizambi. Le diable. Shetani. Oui, bien, mes frères et sœurs. Avant le péché, il n'y avait pas tout ça. Oui, bien, mes frères et sœurs. C'est la vérité. Nikweli. C'est comme ça que par la parole, Jokwamana, kupitia neno, Dieu Mungu veut nous retourner anapenda kuturudisha dans notre position mwile hali yetu initiale ya kumwanjo par la parole kupitia neno. Si nous croyons kama tukiamini de tout notre cœur na moyo wetu wote sincèrement na uwaki wote nous sommes retournés tunarudishwa dans notre position mwali yetu ya kumwanjo initiale ile ya kumwanjo original ya kumwanjo frère nduku ça c'est la grâce de Dieu. Hii ni neema ya Mungu nous retourner kuturudisha dans notre position mwali yetu une personne qui a la foi mtu mwenye kwa na imani. Bien, mes frères et sœurs, c'est une personne terrible. Ni mutu wa kushangaisha. Une personne ni mutu qui croit en Dieu, anamwamini Mungu, qui croit sa parole, anaamini neno lake. C'est une personne terrible. Ni mutu wa kushangaisha, wa mshangao. L'est appelé même à sujetir la terre. Anaitwa ata apate kutawala hii dunia. Il a des choses que tu trouves impossible. Il y a des choses que tu n'arrives pas à atteindre. C'est parce que nous manquons foi à la parole de Dieu. Il y a des maladies si nous ne sommes pas guéris parce que nous avons la peur au lieu d'avoir la foi. Mais si nous avons la foi, bien mes frères et sœurs, Dieu nous a envoyé sa parole, c'est pour nous retourner dans notre position initiale d'origine. Oui, bien mes frères et sœurs, où l'ennemi ne peut plus s'amuser de nous, où le diable ne peut plus avoir l'autorité sur nous. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. Croyons en Dieu muamini Mungu et à sa parole na mneno lake. Écoutez Dieu, musikie Mungu. Il dit anasema écoutez moi nisikilize. Oh l'église de Dieu vivant, oh kanisa Mungu aliye hai. C'est la vérité, ni kweli. Tout est possible à Dieu, yote kunawezekana mbele ya Mungu. Tout est possible aussi à celui qui croit. Ce n'est pas seulement à Dieu que tout est possible. Même à celui qui croit. Même à celle qui croit. Tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible aussi à celui qui fait confiance à Dieu. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. C'est la vérité. Ni kweli. Le Seigneur Mwana avait déjà fait des préparatifs. Alikuwa ameshatayarisha, ameshatengeneza. Quand quelqu'un fait des préparatifs, wakati mtu anafanya matayarisho, pour que je quitte Lubumbashi, ju nipate kutoka Lubumbashi, et que je vienne ici, na nipate kuja hapa, hier, jana. J'ai commencé à faire la valise. J'ai commencé à ranger des choses. On a repassé tous les habits. Est-ce que vous êtes là? C'était pas encore le voyage. Mais c'était le préparatif du voyage. Safari. Oui, bien, mes frères et sœurs. Dieu, on et Quand nous venons ici, wakati tunakuja hapa, chaque mardi nous sommes ici. Kila kazi mbili tunafika chaque hapa. Mercredi nous sommes ici. Kila kazi tatu tunafika chaque hapa. Vendredi, dimanche. Kazi ine, kazi tano, mnaku, siku ya yenga. La semaine prochaine. Juma ijapo. Le mois prochain. Mwezi ijapo. L'année prochaine. Mwaka ijapo. Nous sommes aussi en train de faire des préparatifs. Na sisi tunafanya matayarisho. Je vais vous démontrer. Tamionesha. De quoi l'église. Nini ni kanisa. Est préparée. Et qu'on a tayarishwa nayo. Et de quoi aussi. Na nini ni tena. Le monde. Ulimwengu. Est préparé. Nayo na tayarishwa kunini. Tous. Shibote. Nous sommes en préparation. Tuku matayarisho. Et le monde. Na wa mudunia. Et l'église. Na kanisa. Nous sommes en préparation. Tuku matayarisho. Seulement que. Alakini tu. L'église. Kanisa. Est en préparation. Iku matayarisho. Pour la gloire. Juu ya utukufu. Mais le monde. Alakini dunia yo. Ils sont en préparation. Tuku matayarisho. Pour leur propre destruction. Juu ya kuharibika kwabo. Mais tous. Shibote. Nous sommes en préparation. Tuku katika matayarisho. C'est la vérité, bien aimé, frères et sœurs. Une fille de Dieu. Binti wa Mungu. Un fils de Dieu. Toto wa Mungu. A la pensée de Dieu. Eko na mawazo ya Mungu. Il a la pensée de Dieu. Na mawazo ya Mungu. Manifesté. Yenye ko, ni mawazo ya Mungu yenye konekana. Une fille de Dieu. Binti wa Mungu. Un fils de Dieu. Mwana wa Mungu. Tu es la pensée de Dieu. Uko mawazo ya Mungu. L'image de Dieu. Picha ya Mungu. La ressemblance de Dieu. Mfananisho ya Mungu. Un travail de Dieu. Kazi ya Mungu. Dans une fille de Dieu. Dani ya binti wa Mungu. Dans un fils de Dieu. Dani ya mtoto mwanaume wa Mungu. Tu es un travail de Dieu. Ko kazi ya Mungu. Un attribut de Dieu. Mama nake kazi ya Mungu. Manifesté. Yenye kuonekana. Est-ce que vous êtes là? Eti mnafuata? C'est pour cela que nous devons manifester la pensée de Dieu. Nous devons manifester la vie de Dieu. Manifester Dieu au monde. Muonekanisha Mungu mudunia. Oui, bien me faisait ça. C'est la vérité. Écoutez l'enseignement de Jésus. Musikie mafundisho ya Yesu. Luc 14. Luka sura 14. L'enseignement du maître. Mafundisho ya mwalimu ya Bwana. Luc 14, 28. Luka 14, 12 na 8. Il dit ceci. Asema hivi. C'est une longue lecture, mais comprenez, cherchez un peu à comprendre ça. Ni usomi mrefu lakini mupate kuisikia. Ka! Kwani? Lequel de vous, ni nani katikati yenu, s'il veut bâtir une tour, kama anapenda kujenga munara, ne s'assoit d'abord, ashikalake kwanza, pour calculer la dépense, ya kufanya hesabu ya bila tatumia, et voici là de quoi la terminer, na terminer, na kuona kama eko na namna ya kuwezi kuimaliza. Est-ce que là? Eti munafaita? Vous voulez bâtir une maison? Unapenda kujenga nyumba. Mais toi, tu te dis déjà, wona tangura kusema, je vais bâtir tayenga un étage, nyumba ya étage, qui va dépasser toutes les maisons qui sont à Akabov. Ile tapita manyumba yote ya Mukambov. Pour que on voit que Akabov, c'est moi qui a conçu la plus haute maison. Juba one asema Mukambov, mimi ndio minainga mo nyumba mrefu sana. Et tu as commencé maintenant à parler. Unaanza tu kusema. La Bible, Biblia, te demande d'abord, inakulomba kwanza kwanza, de t'asseoir, uikale mbele, de voir comment, je gagne combien, uone mimi napataka ngapi, j'ai combien, niko na ngapi, et est-ce que avec ce que je gagne, eti na hii mimi napokeaka sa mshahara, si je fais une telle œuvre, nikifanya kazi ya hivi, est-ce que je vais l'achever, eti nitaweza kuimaliza, est-ce que vous êtes là, eti mnafuata. Il faut faire des préparatifs. Na pas kufanya matayarisho. Avant de faire quelque chose que ça que ce soit. Mbele ya kufanya izuru kitu gani? Une fille de Dieu. Binti wa Mungu. A la pensée de Dieu. Eko na mawazo ya Mungu. Si tu veux faire n'importe quel de travail, kama unapenda kufanya izuru kazi gani, mets-toi d'abord. Uikale mbele. Et examine cela. Na uichunguze, uiangalishishe. Est-ce que je veux vraiment achever ça? Eti, mitaweza kuimaliza? De peur qu'après avoir posé le fondement, kwa boka, kisha kwanza msingi, il puisse l'achever. Ashishi, ashikuwa kuishinda, kuimaliza. Et que tout ce qu'ils verront ne se mette à les railler. Na, Dieu, bale bote batamuona, bashikuwa kumuchekeleya. En disant, na kusema, cet homme a commencé à bâtir. Huyu muntu alianza tu kujenga. Et il n'a pas pu achever. Alakini ashimalize. Où? Voilà. Quel est le roi? Ni mufalme kani. S'il veut faire la guerre, kama anapenda kufanya vita, à un autre roi, kukombanisha mufalme mwingine, ne s'assied d'abord. Ashikalake kwanza. Pour examiner kuangalishisha s'il peut avec 10,000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20,000. Kama anawezi na watu 10,000 kwenda kukombanisha ule kuna kukombanisha mwenye kwa na 10,200 ya askari. Si ne le peut, il ne le peut. Kama siwezi. Tandis que cet autre roi est encore loin, wakati ile ule mfalme mwingine angaliki mbali, il lui envoie une ambassade, atamutumia balozi, pour demander la paix. Ja kulomba sema pana, tushikombane. Ainsi donc, hivi basi, quoi que d'entre vous, ni nani katikati mwenu, ne renoncez pas à tout ce qu'il possède, ashikatale bile byote konabyo, ne peut être mon disciple. Haiwezi kuwa mwanafunzi wangu. Est-ce que vous êtes là? Eti mnafuata. Le Seigneur nous demande ça. Bwana anatuomba hivi. De s'asseoir d'abord. Yawe kuikala kwanza. De faire des préparatifs. Kufanya matayarisho. Et non préparatifs. Matayarisho yetu. Nous le faisons. Tukunaifanya. Conformément à sa parole. Kufuatana na neno lake. Quand on te demande. Wakati wanakuuliza. Un frère, on te demande. Ndugu moya wanakuuliza. Non. Hapana. Il y a un travail ici pour toi. Ku kazi hapa kwa kutumika kazi yoi. Quel est le travail? Quel est le travail? Ni kazi kani ile. Non, tu vas commencer à vendre. Utaanza kuuzisha. Dans un bar. Mu bar. Tu dois examiner. Unapashi kuchunguza. Si ce travail là. Kama ile kazi ile. Te convient. Inakustahili. Comme une fille de Dieu. Sawa binti wa Mungu. Comme un fils de Dieu. Sawa mtoto mwanaume wa Mungu. Est-ce que ce travail là même? Hii kazi yenyembele. Me convient? Eti inanistahili. Ne faut pas aller dans un marché. Hapana kwenda munsoko. Toi tu es parti acheter un pantalon. Wewe ulienda kuuza mo pantalon. Tu arrives là-bas. Unafika amo. Tu achètes des chaussures. Unauza bilato. Non? Hapana. Tu dois arrêter d'avance. Unapashi kutangulia kwanza kushimama. Ce que tu vas acheter. Na kuchukua mipango kuhusu ile utenda kuuza. Et après quand tu reviens à la maison. Na wakati utarudia kunyuma. Ah, je n'ai pas pu acheter ce que je voulais. Nishikuwezi kuuza kile nalipenda. Ah, c'est ce papa là qui m'a vraiment distrait. Quand il m'a appelé là. Ndio alinilengesha pala alinita. Lui c'est son travail. Ni kazi yake ya kuita bakumuuza. D'appeler les clients. Na kuita bantu bapate kuuza bitu yake. Toi, tu dois arrêter d'avance. Wewe unapaswa kuanza usimame mbele. Nous, quand nous voulons arrêter une chose, si wakati tunapenda kufanya kitu, que nous allons exécuter, kile tutatimiza, nous examinons la parole. Tunachunguza neno la Mungu. Est-ce que c'est conformément à la parole? Eti kazi nambatana neno la Mungu. C'est pour cela que la Bible dit. Kwa maana Biblia inasema. Nous lisons cela. Tukunaisoma. Colossiens chapitre Wakolosai, chapitre 3, sura yake ya 3, le verset 16e. Mstari ya 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Biblia inatuambia nini pale? Écoutez. Msikilize. Seulement au point où nous sommes. Ni paka mwakati ile tuko. Parvenir à ma... Non, je suis dans... Excusez. Je suis dans Philippiens. Je voulais lire Colossiens. Ni wakolosai mi narenda kuwa Filippo. Dit... Nasema hivi. 16e verset. Mstari wa 16. que la parole de Christ, Neno la Christ demeure en vous, Ika endani enu, dans toute sa richesse. Katika wingi yayo, la parole de Dieu, Neno la Mungu, que nous venons écouter, le tunakuja kusikiliza, chaque jour nous sommes ici. Kila siku tunakuja hapa. Bien mes frères et sœurs, il faut que cette parole ici demeure en nous avec toute sa richesse. Katika wingi, Jésus a dit, Yesu alisema, il a dit aux Juifs aliambia wa Yuda, qui avaient cru à lui, wale walimuamini, si vous demeurez dans ma parole, kama mukidumu ndani ya neno langu, vous êtes réellement mes disciples. Muko hakika wanafunzi wangu. Si vous demeurez dans la vérité, kama mukidumu katika ukweli, est-ce que vous êtes là bien aimé? Eti munafuata banduku. Il faut avoir la connaissance exacte de la parole. Na pasikuwa na ufamu wenye kueneana ya neno. Et tout ce qui nous arrive, na ile yote natufikia, tout ce que nous allons faire, ile yote utafanya, nous allons comparer ça à la parole. Tutailinganisha na neno la Mungu. Nous n'allons pas poser des questions. Hatutauliza maulizo. Mais il faut que la parole de Dieu demeure à toi-même avec toute sa richesse. Katika wingi yayo, tu sais que ça c'est correct. Unajua sema hii kusawa. Ça ce n'est pas correct. Hii haina sawa. Oui? Dio. Tu vas venir poser des questions? Non, ancien. Ah, musée. Non, pasteur. Oh, pastori. Bon, est-ce qu'un frère Eti, ndukutu, qui ne prie pas avec nous ici, ula tuombake na yapa, qui prie dans une église comme ceci, comme cela, ule unaomba kanisa mwa fulani, est-ce que je peux la marier ou bien elle peut me marier? Eti, anawezi kunioa ou anawezi kuenda kuoa kule. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Neno la Mungu nakwambia nini? Tu devais avoir la connaissance déjà sur ce point. Unapashi kuwa na ufahamu yule ya maneno hala ile. Parce qu'on t'a déjà enseigné sur ça. Anaisha kufundisha pa ile maneno. Est-ce que vous êtes là? Eti mwanafuata. C'est la vérité. Ni kweli. Il faut que la parole de Dieu, unapashi neno la Mungu, demeure à nous. Ipate kukaa ndani yetu. Écoutez. Musikilize. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, musubutishane pamoja kwa wengine, en toute sagesse, katika hekima yote, pas de psaumes, katika nyimbo, pas de hymnes, nyimbo ya sifa, pas de cantiques spirituels, katika nyimbo ya kiroho, chantant à Dieu, yenye kumwimbia Mungu, dans un cœur, ndani ya mioyo, en vertu de la grâce, chini ya ongozi ya neema. Chantant à Dieu dans vos cœurs, venez kumwimbia Mungu mumoyo wenu, en vertu de la grâce. Fatana na neema. Il faut que la parole de Dieu soit avec nous. Na pashi neno la Mungu iwe nasi. Et comme ça, tout ce que nous allons faire, manake ile yote utafanya, nous pouvons maintenant manifester Jésus-Christ. Tunaweza sasa kumuonekanisha Yesu Kristo. Nous pouvons manifester la parole. Tunaweza kuonekanisha neno. Dans tout ce que nous faisons, nous faisons. Yote ile tukunafanya. Si cette parole là, kama ile neno ile, demeure à nous. Et que nous ne tuons pas les auditeurs oubliés. On vient à l'église. Le prédicateur a prêché, il a passé la prêchée. Tu sors ici. Quand on te pose la question, le prédicateur a prêché quoi? Ah, j'ai oublié. Ah, il avait lu. Il avait lu l'écriture déjà. Il avait lu l'écriture. Mais tu étais où? Na, we ulikuwa wapi? Ici seulement tu as oublié. Hapa tu mkutoka nje una visabu biote. Et comment tu vas manifester cette parole dans ta maison? Sasa utaonekanisha hii neno namna gani kwa nyumba yako? Ça ne doit pas se, tu ne dois pas seulement écouter. Haipashi tu usikie. Mais il faut que ça demeure. Haipashi biikale. Ça doit demeurer dans ton cœur. Haipashi biikale moyoni. Pour que ça produise des fruits. Pate kutoa matunda. Pour que tu grandisses aussi. Pate na wewe ukomea. Pour que tu deviennes aussi fort. Ukuwe na wewe wa nguvu. Pour affronter aussi le diable. Na kumbanisha shetani. Oui, bien-aimés frères et sœurs. C'est la vérité. Nikweli. La manière d'agir de Dieu, namna ya kutenda ya Mungu, c'est faire des préparatifs, ni kufanya matayarisho, avant toute chose. Mbele ya kitu kyote. Il fait toujours cela. Eko nafanya kila mara vile. C'est pour cela le Seigneur, njo kwa maana Bwana, lui-même, yeye mwenyewe, Quand il nous dit dans Jean, chapitre 14, il dit que nous avons lu au début que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Est-ce que vous êtes là? Ici le Seigneur, quand il voyait que son œuvre était entrée presque de s'achever. Wakati aliona sema kazi yake inaanza kufika kumwisho. Que son travail sur la terre ici. Wakati kazi yake pa dunia hapa. Était presque vers la fin. Inakuwa karibu na kumalizika. Et il a fait cette promesse. Na alilaka imalako. Après avoir nous racheté. Kisha kutukomboa. Le Seigneur pouvait nous prendre. Bwana alipashi kutubeba. Prendre l'église. Beba kanisa yake. Et l'amener avec lui. Na kuipeleka pamoja naye. Même quand ils étaient dans la chambre haute, hata wakati walikuwa mchumba ya juu, et que le Seigneur les a paris, na Bwana alibaonekania, et ils étaient dans la joie, kwa katika furaha, de voir le Seigneur, kuona Bwana, ressuscité, mwenye ufufuka, ils étaient tellement joyeux, walikuwa katika furaha sana, ils voyaient le Seigneur, walimuona Bwana, mais le Seigneur, alakini Bwana, pouvait les prendre, il dit alors, anasema twendeni, directement, paka pale tu twendelele, je ne vais pas vous laisser, chita miacha hapa sasa twendeni, mais le Seigneur, alakini Bwana, n'a pas fait ça, ashikufanye vile, quand il les avait déjà promis, wakati alibalaka, que, ya kwamba, je m'en vais d'abord. Naenda kuanza. Vous préparez une place. Kumitarishia fazi. Et lorsque je m'en serai allé. Wakati ntaenda. Et que je vous aurai préparé na une place. Umitarishia fazi. Je vais d'abord faire des préparatifs. Tafanya kwanza matayarisho. Et quand j'aurai fini. Wakati ntamaliza. Je reviendrai. Tarudia. Je vous prendrai. Natamichugua. Avec moi. Pamoja nami. Il est parti nous préparer une place. Alienda kututengenezea fazi. Quelle place? Ni fazi gani? Quelle place? Ni fazi gani ile? Quel lien? Ni fazi gani ile? Un lien parfait. Fazi moa kamilifu. Une place merveilleuse. Fazi moa ya mzuri sana ya damani. Où le péché n'existe pas. Mule amuna zambi. Où le mal n'existe pas. Où le bubaya takidoko. Où de suie n'existe pas. Où le buchafu abunamo. Où de tourment n'existe pas. Où le mangaiko ainamo. Où de cri n'existe pas. Où le malalamiko ainamo. Où de plaire n'existe pas. Où le bilio abinamo. Elle est merveillée. Ikufazi adamani. Oui, frère. Dio nduku. Ici nous plairons. Apa chini tukunalia. Ici nous gémissons. Tukunaugua. Souffrons. Apa tukunateseka. Bien aimé frères et sœurs. Mapendo na tukunabadada. Mais notre tristesse. Alakini uzuni yetu. Bientôt. Sasa hivi. Notre tristesse. Uzuni yetu. Va se changer en joie. Itabadilika kuwa furaha. Quand nous serons à côté du Seigneur. Wakati tutakuwa pembeni ya Bwana. Quand nous serons là avec lui. Wakati pale tutakuwa naye. C'est le péché qui a fait ce monde, ce que le monde est aujourd'hui. Zambi njo nifanya dunia na kwa kile iko leo. Mais là-bas où il est parti, nous préparer, frère. Kula rienda kututengenezia nduku. Elle est parfait. Ifazi mwa kamilifu. Elle est merveilleuse. Mwa ya mzuri sana. Frère. Nduku. Même si tu n'es pas gradé dans ce monde. Ataka mapai dunia una na cheo. Même si tu n'as pas de compte à banque. Ataka ma una na feza ku benki. Frère, ne manquez pas ce rendez-vous-là. Tuku ushikose ile fazi ile. Ne manquez pas ça. Ushikose ile fazi. C'est la fête de Dieu. Kweli ya Mungu. Oh, kanisa. Alors dans Matthieu. Tuendo Matayo. Chapitre 5. Matayo sura ya 5. Qu'est-ce que Matthieu nous dit là? Ni nini Matayo anatuambia? Là c'est le Seigneur lui. Bwana anatuambia. Comme le vrai époux. Sawa bwana harusi wa kweli. Comme le vrai mari. Sawa bwana wa kweli. Il est parti nous préparer une place. Arenda kututayarisha fazi. Il dit je reviendrai vous prendre. Anaenda anasema mimi naenda takuwa kumichugua. Matayo sura 5 musara 48. Musikilize. Musara 48. Soyez donc parfait. Mwe basi bakamilifu. Comme votre Père céleste est parfait. Vile baba enu wa kumbingu na enu mukamilifu. Soyez donc parfait. Mwe basi bakamilifu. Comme votre Père céleste. Vile baba enu wa kumbingu. Est parfait. Na enu mukamilifu. Est-ce que vous êtes là? Eti munafuata. Faut devenir parfait. Mwe kamilifu. Faut devenir parfait. Inapashi mwe kamilifu. Car notre Père céleste est parfait. Quand il est parti nous préparer, un lieu aussi parfait. Un lieu parfait. Kamilifu. Il nous appelle. Il anatuita. À la perfection. Na sisi tuwe kamilifu. C'est lié la frère. Il est fazi nduku. Qui est parti nous préparer? Il a rien d'agututarishia. C'est un lieu parfait. Ni fazi kamilifu. Message. Qui nous appelle aussi? Il a tuita na sisi. À la perfection. Tuwe kamilifu. Pour aller là-bas? Dieu a kwenda kule. Il faut que tu deviennes parfait. Inapashi kwanza na wewe kuwe kamilifu. Pour que tu ailles là-bas. Dieu pate kwenda kule. C'est parfait. Inapashi uwe kamilifu. Mule amuna bubaya. Mule sui n'existe pas. Mule buchafu abunamo. Mule peche n'existe pas. Mule zambi ainamo. Mule haine n'existe pas. Mule amuna chuki. Mule egoisme n'existe pas. Mule amuna uchoyo. Mule sui n'existe pas. Mule amuna buchafu. Pour que tu sois là-bas. Jupate kwa kule. Frère. Nduku. Il faut que tu prennes la préparation au sérieux. Inapashi kubeba hii matayarisho na roho yote. Prenons la préparation au sérieux. Tubebe hii matayarisho na roho yote. C'est la fête bien mes frères et sœurs. Ni kweli nduku na dada mpendwa. Tamisomea kitu kimoja. Dio nduku na dada mpendwa. La lettre circulaire décembre 2020. Ah, Barua Kuzungu. Avril 2020. Ah, Barua Kuzungu, comme avril 2028. 26. 28. Avril 2020. Ah, avril 2028. La promesse. Malako. Et ni akwamba. Lorsque je m'en serai allé. Wakante takwa nesha enda. Et que je vous aurai préparé une place. Nakisho mitarisha fazi. Je reviens. Tarudiaka. Il est parti nous préparer. Pardon? Il est parti nous préparer. Arenda kututarishia. Et il va revenir. Na tarudia. C'est ça la promesse. Il est njo malako. Qui nous réunit ici. Il est natukusanisha apa. Nous sommes ici. Tuko apa. À cause de cette promesse. Wajili ya hii malako. Et celui qui a fait la promesse. Na ula rilaka. Est fidèle. Ni mwaminifu. Cette promesse, frère, ni malako nduku, va s'accomplir. Itatimilika. Mais pour que Dua, tu sois participant, upate kwa wakushiriki, participante, wakushiriki, mwanamke, de cette promesse, ya mu imalako, il faut que tu prennes la préparation au sérieux. Inapashi uwewe imatayarisho na roho yote. Il faut que tu deviennes parfait. Inapashi uwe mukamilifu. Et pour atteindre la perfection, pawe kufika ku ukamilifu, le lien, il y a un lien. Kuku kamba, kiunganisho. Nous allons lire ça, tutaisoma ta kesho. Il y a un lien. Kuku kya kutunganisha. Qui nous amène à la perfection. Ile kuna tupeleka ku ukamilifu. C'est l'amour. Ni mapendo. L'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu. L'amour de la parole. Mapendo ya neno. L'amour de la vérité. Mapendo ya ukweli. L'amour. Mapendo. Qui est le lien. Njo yenye kwa kamba. De la perfection. Ya ukamilifu. Quand quelqu'un aime la parole. Wakati mtu anapenda neno. Quand quelqu'un aime Dieu. Wakati mtu anampenda Mungu. Cet homme-là, ou le mutu, cette femme-là, ou le manamuke, ou le, qui est toujours joyeux, ou le, qui la mara mufura, quand tu parles de Dieu, wa Mungu, il aime la vérité, anapenda ukweli, cet homme-là, ou le mutu, mwanaume, cette femme-là, ou le manamuke, c'est un candidat, yen ni mutu wa kuenda, ou le kamilifu. Oui, bien, mes frères et sœurs. Dieu, nous avons tant de peine. Est-ce que nous comprenons ce que nous disons? Est-ce que nous comprenons ce que nous croyons? Est-ce que nous comprenons ce que nous croyons? Est-ce que nous comprenons ce que nous prétendons dire? Quitter la terre. Kutoka padunia. Et monter dans les cieux. Na kwenda mumbingu. À la rencontre du Seigneur. Japo nemo ya Mungu. Frère. Nduku. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. À être à l'auteur. Tufike mukimo. À vivre à l'auteur. Ya kuishi mukimo. À marcher à cet auteur. Ya kutembelea mwile kimo. Comme Enoch. Sawa mutu. Il a marché avec Dieu. Ah, sawa Enoki alitembea na Mungu. Il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alipokea ushuhuda kwamba alimpendeza Mungu. C'est alors que Jo pale. Dieu l'a élevé. Mungu alimunyangua. Alimunyanyua. Mais avant qu'il soit élevé, mbele ya kunyanyuliwa, il a reçu le témoignage. Alipokea ushuhuda. Il était agréable à Dieu. Ya kwamba alimpendeza Mungu. Donc si tu dois recevoir ce témoignage là. Pardon? Toi aussi tu dois recevoir le témoignage là. Na wewe unapaswa kupokea ile ushuhuda. Que tu es agréable à Dieu. Ya kwamba unampendeza Mungu. Moi aussi je dois recevoir ce témoignage. Na mimi napaswa kupokea ile ushuhuda. Que je suis agréable à Dieu. Ya kwamba mimi nampendeza Mungu. Ici, apa, maintenant. Hapa sasa. Oui, bien, mes frères. Ndio ndugu na dada mpendwa. Je vais dans les pages de. Tasoma ukartasi ya pili. Dieu, Mungu, a tout fixé d'avance. Alitangulia kutayarisha byote mbele ya wakati. Le plan du salut. Mapu ya wokovu. Dans son ensemble. Katika wingi yayo. Ce qui se passerait lors de la première venue. Ile tafanika wakati wa kuja kwake kwa kwanza. De Christ. Kwa Kristo. Également ce qui doit arriver maintenant. Ivyo hivyo na ile tafika pa sasa. Avant la seconde venue de Jésus. Avant la seconde venue de Christ. Mbele ya kuja kwa pili kwa Kristo. Tu. Biote. Dieu avait bien tracé cela. Mungu alikuwa anesha ibitayarisha. Dieu avait bien arrêté cela. Mungu alikuwa anesha uchugua ile mpango. Il a fixé, il a déjà un plan pour tout. Akuwa na mapu juu yetu. C'est toi et moi. Ni wewe na mimi. Que chacun de nous. Kila mmoja wetu. Fait un effort. Afanye nguvu yake. De s'inscrire dans le plan de Dieu. Ili apate kujipanga mumapu ya Mungu. Kuanjikisha mumapu ya Mungu. Oui, bien, mes frères et sœurs. Dio nduku na dada mpeni. C'est la vérité. Ni kweli. Et le Seigneur a dit. Na Bwana alisema. Depuis le temps de Jean. Tangia wakati ya Yohane. Jusqu'à présent. Kufika na hapa sasa. Le royaume de Dieu. Ufalme wa Mungu. Ni ya kukaza. Ufalme wa Mungu. Ufalme wa mbingu. Ni inakuwa ni ya kukaza. Ni paka bashuja. Jo bataishika, bataiweza. Inapashi kujikaza. Ndugu yangu ujikaze. Ili upate kuriti malako. Ushijiachirie kutawaliwa na bibaya. Ushijiachirie kutongoziwa. Na mutu. Na mwanamuke. Kwani? Inapashi kujikaza. Tangia mwakati ya Yohane. Kufika na hapa sasa. Ufalme wa mbingu. Ni ya kujikaza. Ce sont des violents. Ni wakubwa shuja. Jobe kuna ishika wena weweza. Si tu ne fais pas violence. Kama ujikaze. La Bible dit. Biblia inasema. Rome chapitre 12. Rome 12. Verset 21. Musara makumbi na moya. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ushiriachirie kutawaliwa na bubaya. Mais surmonte mal. Alakini wewe ushinde bubaya. Bien. Na bizuri na kutenda bizuri. Tu dois faire l'effort. Unapaswa fanya nguvu yako. De vaincre le mal. Ya kushinda bibaya. De vaincre des choses qui n'honorent pas Dieu. Ushinde utawale vitu vya shipo mheshimisha Mungu. Ne pas te laisser. Ushiriachirie. Vaincre par le mal. Utawaliwa na bibaya pana. Surmonte le mal. Alakini utawale bibaya. En faisant ce qui est bien. Kufanya bienge kwa bizuri. Si tu ne fais pas cet effort, kama ufanye ile nguvu, de vaincre cet âge mauvais, yawe kushinda ikizazi kibaya. Bien, mes frères et sœurs, bapendo ndugu na badad. Si tu ne fais pas l'effort, kama ufanye nguvu, de vaincre le diable, yawe kumushinda shetani, le diable va te vaincre toi. Shetani atakutawala. Vous savez, munajua, quand une personne, wakati mutu, est en train de naviguer, eko na sogea pa maji. Naviguer dans une rivière. Anasogea pa maji. Dans un fleuve courant là. Mumuto ya maji ya nguvu. Vous savez? Munajua. Si vous êtes en train de descendre. Kama uko nashuka na teremuka na maji. Vous coulez rapidement. Batakutelemusha kwa haraka. Mais si vous êtes en train de monter. Anakini kama uko napanda. Vous devez forcer. Vous unapashi kukaza. Vous devez faire un effort. Unapashi kufanya nguvu sana. Vous devez faire un effort. Unapashi kufanya nguvu. Vous devez faire un effort. Kufanya nguvu. Pour monter. Juu pate kupanda. Upande yule ya maji. Est-ce que vous êtes là? Eti munafuata. Ma sœur. Dada yangu. La vie chrétienne. Maisha ya Kikristo. C'est une responsabilité. Ni bujito bunene. Il faut faire un effort. Unapashi kufanya nguvu. De rester chrétienne. Yawe kubakia mukristo mwanamke. Faites un effort. Ufanye nguvu. De rester chrétienne. Ubakie mukristo. Sinon. Kama ina vile. Tu vas commencer à couler. Utaanza kutelemuka na mai. Agis comme le monde. Utenda saba mudunia. Marche comme le monde. Utembea saba mudunia. Parle comme le monde. Usema saba mudunia. Fais des choses comme le monde. Ufanya bitu saba mudunia. Là. Pale. Tu commences à couler. Unaanza kutelemuka na mai. Quand quelqu'un coule dans une rivière, wakati mtu anatelemushwa na mai ya mtoni, croiser les mains comme ça. Ah, pardon? Même s'il a tressé sa pirogue comme ça. Ataka marinyolosha mtumbu yake akunyoloka hivi. Quand tu ne fais plus l'effort, kama ufanye nguvu, l'eau, mai, te fait couler. Itakutelemusha chini. Église de Dieu vivant. Kanisa Mungu aliyai. C'est le temps. Ni wakati. De la préparation. Ya kujitayarisha. C'est le temps. Ni wakati. Que chaque frère, kila nduku, que chaque sœur, kila dada, prenne sa préparation au sérieux. Abebe matayarisho yake na roho yake yote. L'état des aventures, wakati ya michezo, est derrière nous. Inaisha pita kunyuma yetu. Rachetez le temps. Mukomboe wakati. Quand les jours sont kwani masiku iko mbaya sana. Efeso chapitre 5. Wa Efeso sura 5. 16e verset. Mstari wa 16. Les jours sont mauvais. Masiku na kombaya. Nous vivons les mauvais jours. Tu kunaishi maishi kumbaya. Les mauvais jours que Paul a parlé. Masiku mbaya le Paulo alisema. C'est ces jours ici. Oui, masiku hii. Est-ce que vous êtes là? Eti mnafuata? Que Dieu nous aide, frère. Mungu atusaidie nduku. Apprendre la préparation sérieuse. Tubebe matayarisho na roho yote. Le temps des aventures est derrière nous. Wakati ya michezo isha kwa nyuma yetu. Tous les signes maalama yote qui devaient précéder le retour du Seigneur. Il pas si kutangulia kurudi kwa Bwana. Sont là, frère. Inaisha fika nduku iko pale. Tout biote sauf rien. Hakuna hata kimoe kinakosekana. C'est qui reste maintenant? Ile inabakia tu hapa sasa. C'est le retour imminent de notre ni kurudia tu kwa ghafla kwa Bwana wetu. Pour te prendre. Biote biko tayari. Pour me prendre. Uwe tayari. Allez. Dieu a kubeba. Ah, Dieu a kwa kutubeba. Là où il est parti nous préparer une place. Allez le rejoindre dans les airs. Dieu a kwenda kutanishana naye ewa. Et nous montons. Na tutapanda. Où il est parti nous préparer les places. Dieu pa ile fazi ari tutarishia. Bien aimé frères et sœurs. Wapendo bantu kuna badad. Que Dieu Mungu nous aide. Atusaidie. À demeurer. Tupate kudumu. Dans sa parole. Muneno lake. À le manifester aussi. Ya kuyonekanisha tena. Oui bien aimé frères et sœurs. Dieu nduku na dada mpendo. Le temps. Wakati. Ne plie. Aina kotena. Le temps n'est plus frère. Hakuna tena wakati nduku. Le temps des aventures. Wakati ya michezo. Et derrière nous. inaisha kwa nyuma yetu. Le temps de faire l'hypocrisie. Wakati ya kufanya bunafiki. Inaisha kwa nyuma yetu. C'est le temps. Sasa ni wakati. De servir Jésus. Ya kumtumikia Yesu. C'est le temps. Je vous lis l'écriture. Tamusomea andiko. Colossiens. Wa Kolosai. Une écriture seulement une écriture. Andiko tu moya bule. Servons Jésus le Seigneur. Tumutumikie Bwana Yesu. Prenons la préparation au sérieux. Tuwewe matayarisho na roho yetu moja. C'est le temps de se préparer ma sœur. Ni wakati ya kujitayarisha sana. Colossiens. Wa Kolosai. Chapitre 3. Sura yake ya 3. Verset 24. Mstari wa 24. Écoutez ce que la Bible nous dit. Musikie kile Biblia inatuambia. 23ème. 23. Tout ce que vous faites. Ile yote mtafanya. Faites-le de bon cœur. Muifanye na moyo safi. Et non pour les hommes. Pardon? Et non pour les hommes. Apana sawa mnafanyia batu. Non. Faites-le de bon cœur. Muifanye na moyo mwema. Comme pour le Seigneur. Sawa kumfanyia Bwana. Et non pour les hommes. Apana jua kufanyia bantu. Ah, c'est vrai que là. Mnafuata? Quand nous venons ici. Wakati tunakuja hapa. Ne venez pas ici. Ushikuye hapa. Pour qu'un frère te voit que tu es venu. Dieu a ndugu moyo akona se na yari kuya. Ici. Ukuye hapa. Pour que le Seigneur. Dieu Bwana. Qui voit le secret. Mwenye kuona musiri. Qui voit ton cœur. Mwenye kuona moyo wako. Qu'il voit. Apate kukuona. Voilà mon fils. Oh mwana wangu yeule. Il est venu m'adorer. Alikuwa kuniabudu. Voilà ma fille. Binti wangu yeule. Il est venu m'adorer. Alikuwa kuniabudu. Chasse que nous recevons du Seigneur l'héritage pour récompense. Benye kujua kwamba tunapokea kwa Bwana urithi sawa malipo. Servons Christ le Seigneur. Tumutumikie Kristo Bwana. Servons Christ le Seigneur. Tumutumikie Kristo Bwana. Ma sœur. Dada yangu. Servons Christ le Seigneur. Tumutumikie Kristo Bwana. Mon frère. Nduku yangu. Servons Christ le Seigneur. Tumutumikie Kristo Bwana. Le Seigneur notre Dieu. Bwana Mungu wetu. Amibariki sana.